notre patrie, c'est nos limites. Le bis de la cam a une envergure pétrochimique. La France est reine en eau piercée et en drogue dure. Quand tu vois que des dealers transforment des ordures en or pur. La mort sur la conscience, ils tuent des gens à petit feu et s'en foutent sans aucun deuil ni condoléance. La coke et le crack, c'est la mort au bout du parcours. La plupart craquent trop tard pour appeler au secours. Sarko crée des brigades d'élite pour quelques joints de shit. Alors que l'héros coule en litres, arrestation arbitraire, inutile et gratuite. Ils survolent le problème, les barons de la drogue sont tranquilles. Les vrais vendeurs de mort cherchent les plus d'eau à Paname. Dans les quartiers bourgeois, ils se la pètent peinard. C'est lâche de s'en prendre aux jeunes qui vendent du hash. Car la coque c'est le crime organisé et c'est eux qui brassent. La cam, c'est hard, c'est dur, ça calme. Elle te ronge les veines jusqu'à ce que tu pètes un câble. Produit mortel, bien plus que n'importe quel autre. Un putain de parasite et toi, tu n'es qu'un hôte. La cam, c'est hard, c'est dur, ça calme, elle te ronge les veines jusqu'à ce que tu pètes un câble. Produit mortel, qualifiable de fléau. Elle ravage des vies, et ça depuis le préau. À ce jour, malheureusement, c'est le seul moyen de mettre fin à ma vie, car de te voir, j'ai envie. Je roule mon billet de 100$ pour me coller un rail de barbare. Immédiatement, elle fait effet, ça y est, je commence à planer. Sans si bien, ma femme me manque, j'entrape plus rien. La drogue me hante, je dis au revoir à ce monde de chien. De toute façon, maintenant t'es loin, je sais que c'est malsain. Mais comprends-moi, putain, j'ai que ce moyen pour me sentir bien. Moi la porte, en moi la main. Grâce à cette seringue surdosée, je franchis le seuil. Il fait tout noir, je vois plus rien. Comme libéré, je me sens si bien, c'est un cercueil. La cam, c'est hard, c'est dur, ça calme. Elle te ronge les veines jusqu'à ce que tu pètes un câble. Produit mortel, bien plus que n'importe quel autre. Un putain de parasite, et toi, tu n'es qu'un hôte. La cam, c'est hard, c'est dur, ça calme. Elle te ronge les veines jusqu'à ce que tu pètes un câble. Produit mortel, qualifiable de fléau. Elle ravage des vies, et ça depuis le préau. Peu importe où je vais, ce que je fais, elle me suit n'importe où dans ce monde. Les armes, elle détruit et elle construit le mal dans tous nos foyers. Elle agit sur nos vies sans que vous la voyez. Je suis à la supposée et ici elle se consume du QG au chaillot. Tous mes frères à la fumée, on assume pourvu que Dieu nous pardonne. Assommé par cette merde, qu'est-ce que tu veux que ça nous donne? On est noyé, ces produits nous ont broyés. L'État les a traduits pour qu'on meure, qu'est-ce que vous croyez? On paye le loyer dans cette France merdique. Le fric, c'est le chétan. Et l'enfer sera notre verdict. Trop de produits mortels, c'est le gros bordel. D'où je viens, tous les anges ont perdu leur zèle. La haine, c'est ce qui reste à chaque fin. Mon frère, réfléchis et suis ton destin. La cam, c'est hard, c'est dur, ça calme. Elle te ronge les veines jusqu'à ce que tu pètes un câble. Produit mortel, bien plus que n'importe quel autre. Un putain de parasite et toi, tu n'es qu'un hôte. La cam, c'est hard, c'est dur, ça calme. Elle te ronge les veines jusqu'à ce que tu pètes un câble. Produit mortel, qualifiable de fléau. Elle ravage des vies et ça depuis le préau. Si la fumée était une femme, c'est sûr, elle serait ma maîtresse. Les poumons souvent en feu pour oublier les drames qui se dressent. C'est loin d'être une solution, mais quand l'existence devient un test, le désespoir t'amène à traîner près des tentations suspectes. Parfois le reflet du miroir dévoile nos peurs les plus secrètes. Quand la douleur fait que le vice peut atteindre le mental. Quand les épreuves deviennent aussi lourdes que des montagnes. La folie, la rage, la haine peuvent devenir ta compagne. Ils détectent nos faiblesses et guettent chacune de nos défaites. Le diable, tu le sais, récupère les cœurs qui se déconnectent. Les poisons qu'il injecte te rongent comme des milliers d'insectes. Les poison qu'il injecte te ronge comme des milliers d'insectes. La cam, c'est hard, c'est dur, ça calme. Elle te ronge les veines jusqu'à ce que tu pètes un câble. Produit mortel, bien plus que n'importe quel autre. Un putain de parasite et toi, tu n'es qu'un hôte. La cam, c'est hard, c'est dur, ça calme. Elle te ronge les veines jusqu'à ce que tu pètes un câble. Produit mortel, qualifiable de fléau. Elle ravage des vies et ça depuis le préau.